Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait qu'une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce qu'un monde purgé des lois de Saint Paul aux protestants puis au XXe siècle? Comment une société privée d'hétéronomie est-elle vouée à la guerre civile? Sans foi ni loi, comment la société s'avère-t-elle insoutenable, s'interroge Alain Supiot. Comment l'analyse de Carl Schmitt, qui a été un temps le juriste officiel du régime nazi, permet-elle de repérer les moments de crise institutionnelle? Alain Supiot, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, revient cette semaine sur les différents exemples dans l'histoire, et notamment la plus récente, où il s'est agi de poser les bases de l'effacement, sinon de l'extinction de l'État. Depuis les expériences les plus extrêmes, comme sous le régime nazi, jusqu'aux promesses de l'ultralibéralisme, il s'interroge sur les conséquences du recul du gouvernement par les lois, l'hétéronomie, et il explore les nouveaux liens d'allégeance. Dans le premier cours, à propos du régime nazi, Alain Supiot notait, et je le cite, « Le droit s'identifie au bon plaisir des gouvernants, et le devoir d'un citoyen sain n'est donc pas tant d'observer les lois positives, mais de scruter et même de devancer la volonté de son fureur, qui intime à chacun des buts à atteindre plus que des règles à suivre. La fidélité à une personne se substitue à l'observance des lois. Retenez ce point, car il est caractéristique du lien d'allégeance qui suppose non pas une obéissance mécanique, mais une mobilisation de son intellect au service d'autrui. Après avoir analysé l'insoutenabilité d'une société sans foi ni loi, Alain Supiot s'interroge sur la façon dont la gouvernance par les nombres permet la résurgence de formes passées, notamment celle du gouvernement par les hommes. Qu'est-ce qui caractérise alors le ritualisme, notamment dans le cas chinois, et qu'est-ce qui le distingue du légalisme occidental ? Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 14 mai 2014 pour le cours d'Alain Supiot, les figures de l'allégeance, aujourd'hui sans foi ni loi, une société insoutenable. Nous étions quittés la dernière fois sur une interrogation sur ce qu'on pourrait appeler le régime de salut de l'ultralibéralisme, quelle est sa promesse et... Nous avions vu que cette promesse ne s'adressait qu'à un petit nombre. Évoquant le travail de Philippe d'Iribarne, vous serez tous des maîtres. Nous avions vu que cette promesse d'émancipation générale portait en elle l'idée que ceux qui ne parviennent pas à s'affirmer comme des maîtres sont voués à une situation dégradée. Et qu'en ce sens, on peut douter que dans un tel système, l'effacement de la loi puisse être compensé par un régime de croyance partagée sur le modèle de celui que nous avions évoqué à propos de la lecture paulinienne de la loi. Et dans ces conditions, et donc je reprends sur ce point, on peut craindre que ce système nous conduise à une impasse dans la mesure où aucune société ne peut durer sans foi ni loi. Je reprends cette expression traditionnelle au sens propre, c'est-à-dire sans croyance et sans règne de la loi. Dès lors qu'on s'attaque à l'hétéronomie du droit, sans parvenir à faire partager sa croyance dans les bienfaits de la compétition généralisée et dans la justice des inégalités qui en résultent, eh bien, on ne peut aboutir qu'à disloquer ce qu'on appelle la société civile, qui est une notion d'ailleurs peut être employé de façon assez trompeuse, si on pensait qu'elle pouvait exister par elle-même, indépendamment d'un cadre d'institution commun. Donc penser en termes d'une alternative, d'une opposition État ou société civile, c'est de ne pas comprendre grand-chose ni à l'État ni à la société civile. Cette affirmation s'appuie sur l'expérience historique des pays dont l'État s'est effondré ou a cessé de remplir sa fonction de tiers garant de l'identité des personnes et garant de la parole donnée. Il n'y a pas d'idéalisme dans l'histoire du droit social et de l'État social. C'est un point sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Ces bases ont été posées au lendemain d'expériences sanglantes, 1919, 1944, 1945. Donc c'est les fruits d'une expérience qui ont poussé à affirmer la nécessité de ce rôle de tiers dans les rapports humains. Et faute de ce tiers, ces rapports sont entièrement soumis à une logique binaire, une logique ami-ennemi. Et c'est pourquoi je vais vous parler un petit peu de Carl Schmitt pour commencer ce matin, puisque Carl Schmitt voyait dans ce rapport binaire, ami-ennemi, l'essence même du politique. Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas ça en tête que Carl Schmitt est considéré comme un des grands constitutionnalistes du XXe siècle. Il écrit dans les années 20 ses œuvres les plus importantes, dans une période historique extrêmement troublée. Et ses travaux sont de nature à nous éclairer sur les effets structurels d'une sortie de la loi, c'est-à-dire d'un régime où la loi ne règne plus, mais elle est réduite à une fonction purement instrumentale. Pour Schmitt, en effet, ce n'est pas la loi qui soude en dernière instance les groupes humains, mais la capacité de distinguer ses amis de ses ennemis. Et en cela, il est aussi, évidemment, l'héritier de saint Paul, dont il a du reste longuement médité et commenté les épîtres. Mais il sécularise lui aussi, à sa façon, le message paulinien, en adoptant une définition qu'on pourrait dire avant la lettre structuraliste de l'amitié. L'amitié politique ne prend sens et consistance, selon lui, que face à un ennemi qui incarne et actualise une menace existentielle. Alors, Carl Schmitt, dont l'antisémitisme et l'engagement théorique aux côtés du national-socialisme ne feront par la suite aucun doute, entendait dénoncer les illusions pacifistes sur lesquelles reposaient la République de Weimar et la Société des Nations qui avait vu le jour justement au lendemain de la Première Guerre mondiale. Selon lui, une société en tant qu'entité politique suppose pour exister que ses membres soit capable de se reconnaître un ennemi commun. Et cet ennemi, Carl Schmitt le définit comme l'autre, l'étranger. Écoutons-le, il suffit pour définir sa nature, donc la nature de l'ennemi, qu'il soit dans son existence même et en un sens particulièrement fort, cet être autre, étranger, et tel qu'à la limite des conflits avec lui soient possibles, qui ne saurait être résolu ni par un ensemble de normes générales établies à l'avance, ni par la sentence d'un tiers réputé non concerné et impartial. Donc il récuse au fondement de l'ordre juridique à la fois l'idée d'une grundnorm, d'une norme fondamentale, et l'idée d'un juge comme figure du tiers. Pour lui, le plus souvent, l'autre et l'étranger ne font qu'un. Dans la situation normale, où un État assure la paix civile à l'intérieur de ses frontières, c'est à l'extérieur que sera situé l'ennemi. La reconnaissance de l'ennemi commun est ce qui fait advenir la communauté des amis. Et elle ne conduit pas nécessairement à un conflit ouvert, mais en suppose la possibilité. On ne saurait raisonnablement, écrit-il, nier que les peuples se regroupent conformément à l'opposition ami-ennemi, que cette opposition demeure une réalité de nos jours ou qu'elle subsiste à l'état de virtualité pour tout peuple qui a une existence politique. Et donc, quelle est cette menace à l'ombre de laquelle les hommes se reconnaissent un ennemi commun et par là même une communauté d'amis, cette menace, c'est toujours celle de la mort. Car le rapport d'hostilité, tel que le définit Schmitt, le rapport ami-ennemi, n'est pas une question de sympathie ou d'antipathie, mais c'est une question existentielle. Les concepts d'amis, d'ennemis, de combat, écrit-il, tirent leur signification objective de leur relation permanente à ce fait réel, la possibilité de provoquer la mort physique d'un homme. La guerre naît de l'hostilité, celle-ci étant la négation existentielle d'un autre être. La guerre n'est que l'actualisation ultime de l'hostilité. Ce qui intéresse Schmitt, c'est la situation où la relation ami-ennemi n'est plus cantonnée aux frontières et se transporte à l'intérieur d'un État. Je ne vais pas évoquer ici la situation de l'Ukraine, mais enfin nous avons des... Ce n'est pas très compliqué de trouver beaucoup d'illustrations à ce type de situation. À ce moment-là, la négation existentielle ne vise plus l'étranger, mais des groupes de concitoyens identifiés en raison de leur classe, de leur race, de leur religion, de leur langue ou de leurs opinions. Et alors, l'ombre de la guerre civile s'étend sur la société. Cette dernière est menacée de dislocation et... Là, nous touchons la thèse essentielle de Schmitt. Son sort, le sort de cette société, dépendra de celui qui saura imposer sa volonté en cette circonstance décisive, soit qu'il ressoude la société en désignant un ennemi extérieur, formule très souvent employée, soit qu'il désigne officiellement l'ennemi intérieur et réussisse à l'éliminer. Voyez le poids de sang et de larmes et de monstruosité, d'ailleurs, qui sont à l'œuvre dans ce regard porté sur les conditions de constitution et d'institution d'un ordre civil et politique. Ces thèses sont fameuses, je ne faisais que les résumer, tout cela est très connu, en tout cas des spécialistes de droit constitutionnel et de théorie du droit, et l'on connaît le primat donné par Carl Schmitt, donc, à la volonté comme fondement de l'ordre juridique et à l'imposition de cette volonté par la force dans la fondation de cet ordre. C'est ce qui a fait le succès de Schmitt, non seulement auprès des nazis, mais de façon plus générale et plus contemporaine, auprès de tous ceux qui ne voient dans le droit qu'un instrument de pouvoir. Schmitt a connu un regain d'intérêt, qui est dû, certes, à la puissance de ses écrits, à sa formidable érudition, mais aussi au fait qu'il répond à cette vision du droit qui se dit qu'au fond, si on va bien au fond des choses, le droit n'est qu'un visage provisoire donné à la volonté du plus fort. Alors, ce n'est pas le lieu ici de discuter à fond de la théorie du droit élaborée par Schmitt, mais on doit en revanche se demander dans quelle mesure elle peut nous éclairer sur la crise actuelle des institutions étatiques, la crise de l'État et de l'hétéronomie de la loi, ce que j'ai appelé l'instrumentalisation de la loi, l'effacement progressif du rêve d'un gouvernement de la loi, au profit d'une vision de la loi comme instrument d'un pouvoir fondé sur d'autres bases. Pour Schmitt, vous le savez, c'est dans ce qu'il appelle les circonstances exceptionnelles, c'est dans les circonstances dans lesquelles l'édifice juridique s'écroule ou menace de s'écrouler, que se dévoile la vérité de l'ordre juridique. Tout dépend alors, observe-t-il, des décisions que va prendre celui qui affirme sa souveraineté en se plaçant en marge de l'ordre juridique, pour décider, je cite, « autant de l'existence du cas de nécessité extrême que des mesures à prendre pour y mettre fin ». Donc, le droit ne repose pas sur une hypothétique norme fondamentale, mais bien plutôt sur cette décision de celui qui parvient à imposer sa volonté en dehors des prévisions du droit positif. Alors, pour Schmitt, cette conception est la seule réaliste. Elle lui permet de se démarquer aussi bien des positivistes qui se voilent la face devant la brutalité de cette scène primitive du droit, que des justes naturalistes qui aspirent à occuper cette scène pour y imposer le respect de ce qu'ils pensent être un intérêt supérieur au droit positif. Et Schmitt dénonce cette posture, car, dit-il, lorsqu'ils y parviennent, ces personnages animés des meilleurs sentiments du monde, certains d'incarner eux-mêmes le bien par définition, d'être la bouche d'une loi supérieure à la loi positive, leur domination est d'autant plus impitoyable qu'elle prétend s'exercer au nom de l'humanité tout entière. Donc là, il visait évidemment les artisans de la Société des Nations. La force de l'argumentation de Schmitt est incontestable, et j'y reviendrai, elle contient beaucoup d'analyses extrêmement perspicaces qui demeurent d'une grande actualité. En particulier, je pense à son analyse du régime libéral et de la tendance de ce régime à annihiler le politique au profit de l'éthique et de l'économie. Car Schmitt en fait la remarque dans sa théorie du politique, et je pense là aussi que l'actualité montre la perspicacité de cette observation. Mais en revanche, le réalisme dont il croit faire preuve n'est qu'apparent, comme d'ailleurs celui du darwinisme social, dont il n'est au fond qu'une déclinaison juridique. En effet, c'est bien l'idée de sélection naturelle des plus aptes qui sous-tend la conception schmittienne du droit et de la politique. Selon lui, en effet, la sélection des plus aptes est le vrai moteur de la vie des institutions. La pierre de touche théorique et pratique de la pensée politique et de l'instinct politique est l'aptitude à discerner l'ami de l'ennemi. Les plus aptes vont l'emporter sur les moins aptes. Ce faisant, il s'inscrit dans tout un courant de pensée consistant à appliquer l'idée de sélection naturelle aux groupes plutôt qu'aux individus. Cette théorie, ce courant de pensée, lors du séminaire d'année dernière, nous avait été exposé notamment par André Pichot, qui en avait retracé la généalogie. Et les travaux de ce séminaire vont être publiés dans le courant de cette année. Selon cette théorie, qui a d'abord été avancée par Alfred Wallace en 1864, puis reprise par Darwin lui-même dans son livre sur la descendance de l'homme, l'entraide entre les membres d'un groupe, ce qu'on a appelé l'altruisme biologique, constitue un avantage dans la concurrence avec les autres groupes. Et Wallace et Darwin espéraient réconcilier ainsi, notamment dans l'étude des sociétés humaines, la biologie, le droit et la morale, puisqu'ils donnaient une sorte de fondement biologique à l'entraide. Mais en déplaçant la sélection de l'individu vers le groupe, le biosociologisme conduit à voir dans la guerre ce moment décisif de sélection des groupes les plus aptes. Avec toutes les conséquences que l'on sait, lors de la Première Guerre mondiale, qui fut aussi la première guerre totale, c'est aussi un point sur lequel nous reviendrons longuement dans le prochain chapitre, ayant pour but d'annihiler les ressources biologiques de l'ennemi. Alors, comme tous les intellectuels de sa génération, Carl Schmitt est imprégné de ces théories et il est profondément marqué par l'expérience de la Grande Guerre. Le critère ami-ennemi et la référence à ce moment décisif qu'est la lutte armée sont les clés de voûte de sa théorie. C'est pourquoi, parmi les différentes marques de la souveraineté, identifiées par les juristes depuis Bodin, il donne la primauté au jus belli, au droit de déclarer la guerre, et non pas au droit de juger ou au droit de faire la loi. Il y a plusieurs attributs de la souveraineté. Chez Bodin, l'attribut qui va être distinctif, c'est le droit de faire la loi. Au fond, chez Schmitt, c'est le droit de faire la guerre. Je l'ai dit, son analyse demeure précieuse pour repérer et comprendre les moments de crise institutionnelle. En effet, ces crises sont aux institutions ce que les tremblements de terre sont aux habitations. Ce sont des moments de vérité quant à leur solidité. Et nous vivons probablement une crise de ce genre avec la globalisation et la perte de souveraineté des États face à ce qu'on appelle les forces du marché et à la concurrence des pays les uns avec les autres. Nous ne vivons pas, à proprement parler, un cataclysme, mais des secousses de basse intensité, suffisamment répétées pour entamer la solidité des cadres juridiques du vivre ensemble. Dès lors que se renverse la hiérarchie de l'intérêt général et des intérêts particuliers, et que les plus puissants de ces intérêts trouvent dans la libre circulation des capitaux et des marchandises le moyen d'échapper au règne de la loi commune, la communauté politique ne peut que se fissurer. Et c'est là que je dis que Schmitt est utile. Il est utile pour poser des diagnostics. Et en particulier, la logique, on voit réapparaître sur tout l'éventail politique, la logique binaire ami-ennemi à l'intérieur même des États, et avec elle, la recherche fiévreuse d'un ennemi intérieur, contre lequel coaliser le plus grand nombre pour conserver ou conquérir le pouvoir. Et cet ennemi a toujours la figure de l'autre, d'un autre radical, que ce soit le musulman, identifié à l'islamiste, l'immigré, identifié à l'assisté, ou le catho, identifié à la réaction obscurantiste. Et au fur et à mesure que s'efface la conscience d'une loi commune, le débat public laisse place à la foire d'empoigne et l'échange d'arguments laisse place à la disqualification de l'adversaire. C'est quelque chose qui ne peut pas manquer de frapper quand on écoute le débat public. Il s'agit moins d'entrer dans l'argumentation que l'on conteste que de ruiner la dignité de celui à qui on s'adresse, de le disqualifier par avance quoi qu'il dise. Et ainsi on gagne, puisque le rapport langagier lui-même est compris sur le modèle de la compétition et non plus sur ce modèle ternaire d'une commune soumission à la loi de la langue. Et donc la valeur heuristique du critère ami-ennemi est indéniable lorsqu'il s'agit de repérer et d'interpréter les symptômes d'une crise de la légitimité du gouvernement par les lois. Mais en revanche, ce critère ne nous renseigne pas sur ce qui établit cette légitimité. La formule de Schmitt selon laquelle il faut que l'ordre soit établi pour que l'ordre juridique ait un sens. Il écrit ça. Il faut que l'ordre soit établi pour que l'ordre juridique ait un sens. Cette formule esquive la question de la légitimité, car ni la volonté, ni la décision, ni la force, ni l'amitié ou l'amour ne suffisent à établir au sens le plus fort de ce mot, un ordre juridique durable. Et l'état d'exception permanente qui a été celui du régime nazi a duré 12 ans, et non pas 1000, comme promis par le Führer. Il n'a pas été établi. Et la question que nous pose le règne du droit n'est donc pas de savoir si l'esprit de décision ou l'usage de la force peuvent contribuer à l'établir. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. La question est de comprendre les conditions sous lesquelles, pour parler comme Rousseau, la force se transforme en droit et l'obéissance en devoir. Le plus fort, écrit Rousseau, n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. De là, le droit du plus fort, droit pris ironiquement en apparence et réellement établi en principe, mais ne nous expliquera-t-on jamais ce mot ? La force est une puissance physique. Je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté. C'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra être un devoir ? Donc pour établir un ordre juridique, il ne suffit pas de rétablir l'ordre au sens policier ou militaire du terme. Établir un ordre juridique au sens fort de l'instauration d'un État durable suppose d'instituer une société par-delà la succession des générations. Et cette institution de la société a une dimension subjective, car tout gouvernement implique pour durer que ses membres lui fassent crédit, à la fois au sens le plus fort et le plus technique du mot crédit. Le sens le plus fort, car il s'agit bien de croyance au sens dogmatique, de la foi dans une vérité légale qui s'impose à nous. Et au sens le plus technique, car cette croyance n'est pas une affaire privée, mais une créance opposable à tous et garantie par un tiers. Et plus ce crédit est élevé, plus grande est la foi dans la justice de l'ordre établi, et moins le gouvernement a besoin de la force pour se maintenir. Cette dimension subjective de l'institution de la société n'est pas une découverte récente. Déjà, Tocqueville notait qu'il n'est pas de société qui puisse prospérer sans croyance semblable, plutôt qu'il n'y en ait un point qui subsiste ainsi. Et Durkheim observait qu'en même temps que les institutions s'imposent à nous, nous y tenons. Elles nous obligent et nous les aimons. Elles nous contraignent et nous trouvons notre compte à ce fonctionnement et à cette contrainte même. Et plus près de nous, les travaux de Castoriadis ou de Pierre Legendre ont à nouveau mis l'accent sur cette dimension subjective de l'institution, tout en l'éclairant des apports de la psychanalyse. Il faut donc qu'il y ait une intériorisation de l'interdit, à commencer par l'interdit du meurtre, pour que puisse régner la paix civile. Et c'est la fonction du droit dans les sociétés sécularisées de mettre en œuvre cette logique de l'interdit et de permettre ainsi aux hommes de faire société. Et reconnaître ce que j'ai appelé une fonction anthropologique du droit, cette nécessité structurale de l'interdit pour la survie de l'espèce, ne nous dit absolument rien de ce que doivent être les interdits à observer dans une société donnée. Cette reconnaissance de la fonction anthropologique du droit est à tout autre ordre avec celle des droits naturels, du type des trois lois fondamentales de Locke, que nous avons évoquées la dernière fois, donc des lois que la raison pourrait identifier et qui devraient être respectées sur toute la surface du globe. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une universalité de l'interdit, mais son contenu est variable. C'est pas très neuf. Hérodote l'observe déjà quand il parle d'un prince, des pays qu'il traverse, qui confronte selon les peuples les manières d'enterrer les morts, et certains sont horrifiés que le corps des ancêtres le mette à pourrir dans un trou, et trouvent que la façon correcte de faire, c'est de les manger, et ceux qui les ensevelissent, évidemment, trouvent abominable le fait de dévorer ses ancêtres. Bon. Donc, grande diversité, mais ce qui est commun, c'est qu'on ne les traite pas jamais comme des déchets. Donc, c'est le rituel funéraire. Donc, une logique de l'interdit. Le Collège de France et France Culture vous présente le juriste Alain Supiot, les figures de l'allégeance, aujourd'hui sans foi ni loi, une société insoutenable. Donc la fonction anthropologique du droit est un concept utile pour repérer et comprendre les périodes de crise juridique qui se caractérisent en effet par une perte de crédit des institutions. Le retour de la confrontation binaire de l'ami et de l'ennemi résulte de ce discrédit, de cette perte de confiance dans la figure du tiers. Et faute d'une référence commune, sous l'égide de laquelle chacun est assuré d'une place reconnue de tous, la société est menacée de dislocation entre des groupes hostiles. Mais contrairement à ce qu'avance Schmitt, une telle crise ne se dénoue pas nécessairement par l'instauration d'un état d'exception. L'affaissement d'un type de structure juridique peut conduire à la réactivation d'un autre qui l'avait précédé et qui ressurgit sous des formes nouvelles. C'est en tout cas l'hypothèse sur laquelle est fondée le cours de cette année, que l'effacement du règne de la loi a pour correspondance un retour à des formes qu'historiquement on peut repérer de liens d'allégeance. Pour le comprendre, il faut se rappeler que le droit, comme tout système dogmatique, ne se situe pas dans un continuum de temps chronologique, mais dans un temps séquentiel, où des dispositions nouvelles viennent tout à la fois réitérer un discours fondateur et engendrer de nouvelles catégories cognitives. C'est ce qui explique les avatars infinis de vieilles catégories de pensée. J'en prends un exemple, la catégorie de citoyen. On voit, on repère la naissance plus ou moins chez les Grecs, mais on la voit ressurgir régulièrement depuis la République athénienne, puis romaine, jusqu'à la citoyenneté européenne du traité de Maastricht, en passant par la Révolution française, ou des cités italiennes de la Renaissance. Donc la notion de cité, de citoyen, est une notion qui fait partie d'un fonds de patrimoine et qui va produire régulièrement des effets nouveaux. Et donc l'une des raisons de ce caractère sédimentaire est qu'il n'existe pas une variété infinie de types de structures juridiques. En réalité, seules varient les déclinaisons de ces types. Et à grands traits, alors là je vais aller à coup de serpe, hein, mais on peut distinguer, en transposant ici une vieille distinction de la philosophie politique chinoise, d'un côté le gouvernement par les lois, et de l'autre côté le gouvernement par les hommes. Dans un système de gouvernement par les lois, la soumission de tous à des lois générales et abstraites est la condition de la liberté reconnue à chacun. Donc, pour reprendre, vous savez, la formule des Grecs, c'est la loi qui est reine. Bon, à partir du moment où c'est la loi qui est reine, nous devons lui obéir, mais nous devons tous y obéir également, et donc nous avons une isonomie, nous avons constitué une société où chacun va pouvoir agir librement sous l'égide de cette loi commune. Et donc, deux remarques à faire sur le gouvernement par les lois. Premièrement, c'est que cette structure implique la mise en scène d'un tiers garant des lois. Alors, on a pu l'appeler la cité, la chose romaine, aujourd'hui l'État, mais ça implique ce tiers qui transcende la volonté et les intérêts particuliers des individus. Là encore, on a évoqué le digeste, hein, le début du digeste où on nous parle de ces choses sacrées qui caractérisent le droit public. Deuxième remarque, ce système doit rendre possible l'articulation des deux plans juridiques qui sont justement soigneusement distingués dans l'ouverture du digeste que nous avons commenté dans le premier cours. D'une part, le plan des règles dont l'objet échappe au calcul d'utilité individuelle, et ces règles relèvent de la délibération et du domaine de la loi. Et d'autre part, le plan des règles dont l'objet relève de calcul d'utilité individuelle. Et cela relève de la négociation et du domaine du contrat. Donc on a une articulation entre ces deux plans, un plan vertical qui est en charge l'incalculable, qui repose sur la délibération, un plan horizontal où on calcule les intérêts et c'est l'objet des contrats. Et les deux sont articulés l'un à l'autre. Nous avons vu cette formule, là encore, dès notre texte source, qui est le digeste. Et en effet, seul ce type de montage autorise à traiter sur le plan contractuel les hommes et les choses comme des entités abstraites, interchangeables, échangeables, et dont la valeur peut être apportée à un même étalon monétaire. Car leurs différences qualitatives sont prises en charge par le domaine de l'incalculable, qui lui échoit à la loi. Donc, vous voyez le problème qu'on a avec la gouvernance par les nombres, parce que la gouvernance par les nombres disloque cette construction, puisque tout est censé être calculable. Mais du coup, on détruit les conditions mêmes du calcul. C'est pour ça que ça plonge dans une situation chaotique. Alors voilà pour le gouvernement par les lois. Mais ce n'est pas le seul. Nous, c'est notre culture. On y tient. Nous les aimons, pour reprendre, pour parler comme Durkheim quand même, ce système. Le système de gouvernement par les hommes est, historiquement et du point de vue comparatif, une formule beaucoup plus répandue. Dans un tel système, quand je dis les hommes, c'est des êtres humains, une fois pour toutes, hein, c'est homo, pas vir, je me suis déjà expliqué là-dessus. Les êtres humains sont inscrits dans des réseaux de liens de dépendance. Et ce n'est pas la soumission de tous à une même loi abstraite qui est alors recherchée, mais la conformité du comportement de chacun à la place qu'il occupe dans ce réseau. Et chacun dans un tel réseau doit servir au mieux les intérêts de celui dont il dépend, et il doit pouvoir compter sur la loyauté de ceux qui dépendent de lui. Ça vaut pour les petites bandes de malfrats dans les banlieues abandonnées par la République, comme ça vaut dans les rapports entre les sociétés commerciales à l'échelle internationale, ou dans la vie interne d'un parti politique. Ce qui est déterminant, ce n'est plus l'observation d'une loi commune, c'est votre position dans des liens de dépendance. Et en fonction de votre position, vous aurez plus ou moins de possibilités. Le malheur, c'est d'être une position où personne ne vous protège et où vous ne pouvez compter sur personne. Donc c'est l'inscription dans des liens personnels et non la soumission à une même loi impersonnelle qui définit alors la condition juridique des hommes, aussi bien dans leurs rapports mutuels que dans les rapports avec les choses. Il y a une formule africaine, j'ai beaucoup appris d'amis africains, on dit de personnes, avec une autre définition de la richesse. La richesse est entendue justement sur l'intensité, le nombre, l'importance des liens des gens sur qui on peut compter. Et pour eux, un pauvre, c'est quelqu'un qui est de peu de gens. J'ai entendu cette expression au Cameroun. Donc vous pouvez avoir un magot, mais vous avez peu de gens. Et à ce moment-là, d'un certain point de vue, vous êtes dans une situation de faiblesse. Dans un tel système, la figure du tiers garant ne disparaît pas. Quand elle disparaît, je le répète, c'est l'ami ennemi à qui a le couteau le plus aiguisé. Mais ce garant est un garant des liens et non plus un garant des lois. Et donc un tel montage permet de faire l'économie de la figure de l'État souverain, mais en revanche, il mêle nécessairement le domaine du calculable et de l'incalculable. En effet, à partir du moment où ce dernier n'est pas pris en charge par une instance tierce, les distinctions du privé et du public se brouillent. Bon, je donne un exemple. La responsabilité sociale des entreprises multinationales. Voilà un bon exemple. Lorsque M. Friedman, Milton, disait « la seule responsabilité d'une entreprise, c'est de payer ses impôts et de faire des profits », c'était très raisonnable, me semble-t-il, dans une perspective de gouvernement par les lois, qu'elles payent leurs impôts et puis qu'elles fassent des profits. On n'en est plus là. Si l'entreprise, en fait, n'est plus placée sous l'autorité d'aucun État, mais où les systèmes juridiques sont vus, comme nous l'avons vu dernière, comme des produits législatifs en compétition sur la scène mondiale, tout ça sous l'égide des doctrines de Law and Economics, eh bien, l'entreprise, structurellement, doit répondre de questions qu'auparavant, elle pouvait légitimement ignorer. Le développement durable, l'environnement, le sort des personnes. Alors elle essaie d'y répondre en s'instituant elle-même comme une sorte de société politique qui prendrait en charge partiellement ces problèmes, ou au moins qui ferait mine de les prendre en charge, parce que son crédit est à ce prix. Donc, on a quelque chose qui, du point de vue de la logique du marché, ne fonctionne pas bien. Le marché lui-même est menacé dans un tel système. Il est parasité par des choses qui auparavant étaient prises en charge par d'autres instances. Alors, bon, à grands traits, donc je vous ai dit, je fais une typologie, ça vaut ce que ça vaut, hein, les typologies, c'est pour nous aider à essayer de comprendre le monde où on vit. Bon. Gouvernement par les lois, gouvernement par les hommes. C'est deux pôles dans un champ phénoménologique où, naturellement, c'est idéotypes s'hybrident dans la pratique, plus ou moins. Il y a une dominante et puis il y a des aspects de l'autre. Mais rares sont les systèmes qui sont parvenus à réaliser une véritable synthèse de ces deux modèles. Mais celui qui y est parvenu historiquement mérite toute notre attention puisqu'il s'agit quand même de la Chine impériale. La Chine impériale, sa fondation, le moment de sa fondation, on l'a évoqué l'année dernière, c'est celui où l'école des lois renverse le modèle confucéen pour imposer un certain rapport à la loi, bon, qui a un profil sensiblement différent de celui des pays occidentaux. Mais ensuite, les légistes ne vont régner qu'en tant que tels, qu'une période brève. Mais ils vont imprimer quelque chose qui va continuer à marquer sur la très longue durée l'expérience institutionnelle de la Chine. Et c'est à certains égards une exception. La situation la plus fréquente, c'est qu'un ordre politique est dominé par l'un de ces deux modèles, tout en possédant toujours quelques traits de l'autre. Et ceci aide à comprendre que l'essoufflement d'un de ces types de gouvernement, et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un essoufflement du modèle de rule of law, du règne de la loi, puisse se traduire par la résurgence de l'autre modèle, que j'appelle les liens d'allégeance, modèle du gouvernement par les hommes, qui n'avait jamais complètement disparu de la scène institutionnelle. Ainsi, par exemple, dans l'Europe des XIIe et XIIIe siècles, le déclin de la féodalité c'est le type même du gouvernement par les hommes et des liens de dépendance, son mode de gouvernement par les hommes est allé de pair avec la montée en puissance des États souverains et du gouvernement par les lois. Idéal que résumait bien l'affirmation de Bracton, comme j'ai un cher ami américain de culture de common law dans la salle. J'espère qu'il approuvera ma traduction de ce passage de Bracton. Donc, selon qui, le gouvernement n'est pas sous un homme, mais sous Dieu et la loi, c'est la loi qui fait le roi. Donc, le roi n'a pas d'égal dans son royaume, les sujets ne peuvent être les égaux du législateur sans mettre fin à son règne, puisqu'un égal ne peut avoir autorité sur son égal, ni a fortiori une supériorité, puisqu'il serait alors le sujet de ceux qui lui sont assujettis. Le roi ne doit pas être soumis à un homme, mais à Dieu et à la loi. Car c'est la loi qui fait le roi, car, et là il y a le jeu de mots du latin, car il n'est pas de rex, là où règne la volonté, et non la lex. Alors c'est cet idéal qui s'affirme contre la féodalité. Et il y a de nombreuses raisons de penser que la période qui s'est alors ouverte arrive à échéance. C'est-à-dire que sapé par la gouvernance par les nombres, le rule of law est en crise et le gouvernement par les hommes refait surface sous des formes inédites que nous allons essayer à présent d'identifier. Donc, on change de chapitre. Alors, historiquement, on peut identifier plusieurs formes de gouvernement par les hommes. On va rentrer un peu plus dans les détails. À grands traits, là encore, j'en distinguerai deux. Le ritualisme, que nous avons déjà évoqué l'an dernier et sur lequel je vais revenir brièvement. Et l'autre, c'est le féodalisme, dont nous venons de parler, et qui a joué un rôle beaucoup plus important dans l'histoire de nos institutions, spécialement en France, qui a été vraiment au cœur de la féodalité, c'est ce que montre très bien dans son livre magistral Marc Bloch. Et donc je m'attarderai davantage sur le modèle féodal. Donc d'abord l'ordre rituel. Ce que la pensée politique chinoise a nommé gouvernement par les hommes était un ordre rituel. C'est-à-dire un ordre dans lequel chacun intériorise la façon dont il doit se conduire en tout type de situation sociale. Et l'ordre rituel est sans doute la forme historiquement la plus ancienne et pendant longtemps la plus répandue dans l'humanité. Enfin, l'ordre rituel prend des formes même très diverses. Enfin, on ne va pas rentrer ainsi indéfiniment dans les subdivisions. Elle a été beaucoup étudiée par les anthropologues, notamment dans les mondes africains. Mais je vais m'appuyer ici sur le cas chinois, qui a été étudié par le grand sinologue Léon van der Mersch, qui a dépeint de façon magistrale ce qui caractérise le ritualisme et le distingue du légalisme occidental. Il l'a fait dans un article qui s'appelle « Ritualisme et juridisme », qui a été publié dans un recueil d'articles de Léon van der Mersch, « Études sinologiques », qui est paru au PUF en 1994. Je vais résumer brièvement la caractérisation que fait van der Mersch. Je ne suis pas sinologue, je me réfère à lui. Le régime juridique et le régime rituel ont le même objet. Il s'agit de régler les relations entre les hommes en conciliant leur autonomie et l'hétéronomie indispensable à une organisation commune. Pour parvenir à cette fin, le droit ne s'étend pas à tous les rapports sociaux, mais seulement à ceux qui obligent une personne à donner ou à recevoir quelque chose, ou bien à faire ou à ne pas faire quelque chose. C'est ce que nous dit le Code civil dans sa définition du contrat. Le contrat a pour objet, ce n'est pas une définition, mais du contenu de l'objet du contrat, il a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou bien d'une chose qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. Et il doit avoir pour objet une chose qui doit être déterminée, ou au moins déterminable. Il peut porter sur des choses futures. Donc le mot « chose » est central dans cette conception de l'obligation. Il y a un objet au centre des relations, et c'est autour de la caractérisation de cette chose que l'on va penser les liens d'obligation entre les êtres humains, donc les liens juridiques. Alors bien sûr, ce rapport d'obligation va varier selon le contenu objectif sur lequel il porte. Les rapports sociaux prennent des formes telles que vendeur-acheteur, prêteur-emprunteur, mandant-mandataire, employeur-salarié, etc. Mais, dit Van der Merch, le droit ne s'occupe que des rapports qui s'objectivent dans un contenu saisissable, lequel émerge en tant que contenu, comme objet précisément des actes juridiques. Et lorsqu'il est obligé de saisir des rapports personnels, indépendamment d'un acte juridique particulier, tel un lien de parenté, il va le faire en extrapolant les mêmes mécanismes d'objectivation, c'est-à-dire en ramenant ce lien à un rapport d'obligation. Et les liens parents-enfants, époux sont définis comme par une liste d'obligations que l'on lit solennellement le jour du mariage, par exemple, en mairie. Ça, c'est le juridisme. Le ritualisme, au contraire, règle les rapports sociaux non pas à raison de l'objet des agissements humains, mais à raison de leur forme. Van der Merch parle à ce sujet de forme vide, signifiant par là que cette forme dépend non pas du contenu objectif de l'acte, de la chose sur laquelle il porte, mais de l'identité des personnes qui l'accomplissent. Il nous parle d'un rituel en Chine, hein, je précise ce point, c'est le cas chinois. Et cet ordre prescrit des façons de se comporter qui sont ajustées à la diversité des relations interpersonnelles qui tissent la société. À commencer par ces relations cardinales que sont la relation père-fils, souverain-sujet, époux-épouse, aîné-cadet, et enfin collègue-compagnon, qui est la seule qui soit marquée du sceau de l'égalité. D'où dérivent ensuite les formes rituelles à observer dans tous les autres types de rapports, des plus proches, le voisinage, l'école, jusqu'aux plus éloignés, le rapport à la patrie, voire à l'humanité tout entière. Alors, voilà une citation d'un texte extrêmement célèbre chez les sinologues, c'est le Mémorial des rites. Alors, on lit ça ensemble, parce que vous allez voir, ça nous transporte dans un univers différent. « Celui qui fait grand cas des rites et qui les observe s'appelle un personnage réglé. » Un personnage réglé. Pas la société qui est réglée, c'est la personne. Celui, au contraire, qui n'en fait aucun cas et ne les observe point, s'appelle un homme sans règles. Les rites procèdent du respect et de la modestie. Si on les observe dans le temple des ancêtres, il y a respect. Si on les observe en entrant à la cour, les personnages élevés et ceux qui le sont moins ont leur place respective. Si on les observe à la maison, il y a amour entre père et fils et bonne harmonie entre aîné et cadet. Si on les observe dans son village, il y a la distinction voulue entre les personnes âgées et celles qui le sont moins. Donc c'est l'idée d'un ordre qui repose sur l'intériorisation par chacun de la place qui est la sienne, et une place qui, en général, suppose de reconnaître des supérieurs et des inférieurs. À commencer par la formule du frère né avant moi, qui n'est pas proprement chinoise, mais qui est toujours une façon d'avoir révérence pour celui qui est né avant vous. Donc c'est l'ordre généalogique qui est toujours en arrière-plan de ça. Alors, comme vous le montre l'avis de ce personnage réglé, la règle n'a pas le même sens dans leur rituel que dans l'ordre juridique. Dans une société régie par le droit, la règle se présente comme une donnée objective, extérieure à l'individu, tandis que dans l'ordre rituel, elle se présente comme une manière d'être, intériorisée par lui. Et cette intériorisation reflète la primauté donnée à la société sur l'individu dans, alors ce qu'on peut appeler, parce qu'en général j'emploie ce mot avec énormément de précaution, la régulation, mais là on peut parler de régulation, c'est pas réglementation, c'est une régulation au sens propre des relations humaines. C'est-à-dire un ordre qui doit être comme s'il était spontané, mais il est comme s'il était spontané parce qu'il a été intériorisé. Van der Mersch écrit, si la matrice des rapports juridiques est le rapport d'obligation entre deux parties, prise abstraction faite de toute autre insertion sociale, la maîtrise des rapports rituels est la relation interpersonnelle, prise au contraire avec toute sa charge de socialité. C'est dans la perfection de l'ajustement de toutes les relations interpersonnelles, dans leur plénitude, qu'est recherchée l'équité, formulée en termes d'harmonie sociale. Alors, cette primauté de la forme sur le fond et de la société sur les individus permet de comprendre pourquoi l'ordre rituel repose sur des devoirs et non pas sur des droits individuels. Et Van der Mersch note à cet égard qu'à l'identité du terme « droit », qui désigne chez nous aussi bien le droit objectif que les droits subjectifs, donc on a, ça malheureusement nos amis anglais n'ont pas ça, mais tous les pays continentaux ont ce jeu de mots entre le droit subjectif, le droit de chacun, qui est ancré dans un droit, dans un grand droit, ce que Carbonnier appelait le petit droit et le grand droit, qui est le cadre normatif qui permet à chacun des droits d'être respecté. Donc on a cette articulation sémantique. Eh bien, à cette articulation sémantique correspond en chinois le terme yi, qui désigne aussi bien la forme rituelle et le devoir de respect. Donc c'est le même mot qui désigne d'une façon générale le rituel et le devoir de s'y conformer. Et il cite à ce propos les mémoires sur les rites, selon lesquels ce qui résulte de la discipline des attitudes par l'application des rites, c'est le respect, c'est du respect que résulte le prestige. Autrement dit, le respect est d'abord l'objet d'un devoir qui s'exprime dans des formes rituelles, et seul celui qui se conduit de façon respectueuse sera à son tour respecté lui-même. Et au-delà de leur diversité, les formes rituelles expriment toutes ce même impératif de respect d'autrui, impératif qui est l'équivalent fonctionnel de ce que nous appelons la dignité, où l'on voit que, malgré la grande diversité des cultures normatives à travers la planète, on va retrouver un certain nombre de concepts clés qui entrent en résonance. Et le concept de dignité, qui a sa propre histoire complexe, et qui a été donc érigé en principe fondateur de l'ordre juridique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce principe de dignité a pour équivalent donc cette notion de respect. Alors, dans les deux cas, dans l'ordre rituel comme dans l'ordre juridique, il s'agit bien d'imposer des règles à la vie en société, mais ce ne sont pas des règles de même nature. Dans un système régi par le droit civil, la violation de la règle est sanctionnée par la nullité de l'acte, ou bien, lorsque celle-ci est impraticable, par la réparation du dommage que cette violation a causé. C'est le principe posé par les célébrissimes articles 1382 et 1184 de notre Code civil. Donc, il faut réparer, et lorsqu'on n'a pas exécuté, on a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommage-intérêt. Voilà le mode de sanction de l'infraction à la règle. Et la valeur constitutionnelle de ce principe a été reconnue d'abord implicitement en 1983, puis de façon plus solennelle en 1999, sur le fondement de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 4 qui définit la liberté comme n'ayant d'autre borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance des mêmes droits, d'où le Conseil constitutionnel déduit que l'affirmation de la faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle, dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc vous voyez, nous avons eu, en tout cas dans l'ordre juridique français, une constitutionnalisation de cette conception de la sanction. La responsabilité ne peut absolument pas être définie en ces termes dans un ordre rituel, dans la mesure où celui-ci ne vise pas le contenu objectif de certains actes. Les kilos de pommes que vous deviez me livrer, que vous ne m'avez pas livré, donc on va se demander est-ce que vous pouvez encore me les livrer, ou bien est-ce que vous me payez une indemnité. Ce n'est pas ça qui est en jeu, mais c'est la façon dont vous avez agi. Et celui qui s'est mal conduit ne peut pas plus annuler sa mauvaise conduite que réparer un dommage qui n'est pas appréciable monétairement, car il est de pure forme. Imaginons, pour les besoins de l'exercice intellectuel, qu'invité chez des amis, après avoir trop bu, vous vous mouchiez dans la nappe ou vous vomissiez sur votre voisine de table. Bon, vous pourrez proposer de payer le nettoyage, mais ça ne suffira pas à vous tirer d'affaire. La sanction encourue, alors, parce que ça existe chez nous aussi sur mode mineur, elle est d'un autre ordre. Quand vous aurez des saoulés, la sanction, c'est la honte. C'est ce qu'on appelle, en Orient, la perte de face. Puisque la règle rituelle est la forme constitutive de la personnalité sociale, dit Van der Merch, sa véritable sanction, c'est la perte de la personnalité sociale, bien connue dans la tradition ritualiste sous le nom de perte de face. Et dans les textes anciens, c'est le mot, alors la prononciation, hein, chi, bon, sentiment de honte, qui désigne le sens de la face. Et Confucius disait, quand le peuple est accordé ensemble par les rites, c'est le sentiment de la face qui fait régner la règle. Donc, deux conceptions différentes de la sanction. Alors, il n'y a pas entre ces deux approches de fossé infranchissable. Le droit subjectif implique le devoir de le respecter, de même que le devoir de respect appelle le droit d'être respecté. Il y a là les deux faces indissociables des rapports entre les êtres humains. Mais il est symptomatique que dans nos sociétés, la lutte pour la reconnaissance, où certains auteurs voient le deuxième âge de la justice sociale, c'est tout un thème qui a eu beaucoup de succès dans la littérature, notamment américaine, mais aussi française, les travaux de Ricoeur, donc, où la justice sociale devrait être définie comme justice recognitive, comme lutte contre les discriminations, respect des différences. Eh bien, cette lutte pour la reconnaissance se traduit par une revendication de droits particuliers au profit des minorités victimes de discrimination. Plus généralement, l'analyse de Van der Merch mériterait d'être précisée sur certains points. Son concept de légalisme, je l'ai dit, vise en réalité le légalisme des factures occidentales. Et il a observé lui-même dans ses travaux tout ce qui séparait ce dernier des légistes chinois. Il faudrait procéder à des distinctions du même ordre concernant les légalismes religieux de facture juive ou musulmane, par exemple. De même qu'il y aurait des distinctions à faire entre l'ordre rituel confucéen et ceux des mondes africains ou amérindiens. Donc je fais cette mise en garde pour dire que je fais des caractérisations à grands traits et que dès qu'on rentre dans les systèmes, ça devient d'une très grande complexité. Tout ça excéderait bien entendu mes compétences et je m'en tiens donc ici à ce qui est essentiel de retenir pour saisir l'idée de gouvernement par les hommes, c'est la primauté donnée aux liens qui les unissent sur les relations qu'ils entretiennent avec les choses. Et cette primauté se retrouve sous une forme différente dans les régimes féodaux dont nous parlerons plus longuement lors de notre prochaine rencontre, mercredi prochain. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 14 mai 2014, Alain Supiot, les figures de l'allégeance. Aujourd'hui, sans foi ni loi, une société insoutenable. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion. Le juriste a dirigé l'ouvrage collectif « Face à l'irresponsabilité, la dynamique de la solidarité » aux éditions du Collège de France en 2018. Son cours sur la gouvernance des nombres, suivi des figures de l'allégeance en partie 2, a été publié chez Fayard en 2015. Documentation musicale Antoine Villoz, iconographie web Claire Poinsignon, réalisation Laure-Hélène Planchet, présentation, Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie d'Alain Supiot l'analyse des figures de l'allégeance et il sera question du féodalisme. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.